temps peut-être, ce n'est rien d'autre qu'un trait de lune entre mon cœur et terre. Des fois je pousse un peu pour rien, je me rallume quand ton parfum passe dans mon espace aérien. Le reste du c'est mieux peut-être, j'attends rien d'autre que l'écho d'une rime sur la fin d'un quatre. C'était qui ce quelqu'un malhabile, incertain, qui ne ressemble à aucun de tes amants d'infortune. Le reste du temps, il ne se passe rien. Le reste du temps, il ne se passe rien. Sûrement c'est le printemps, ben ouais, ce n'est rien d'autre. Et les autres gens me sont souvent lointains. Dans le ciel, je vois comme un trait de lune. C'est un aéroplane qui trace son chemin. Toujours tu partiras, et toujours le désir d'être là encore une fois pour encore te séduire. Le reste du temps, il ne se passe rien. Le reste du temps,